flotter. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. C'est le dernier jour du mois d'octobre, et oui, déjà jeudi 31 octobre. Nous souhaitons une bonne fête au Quentin. Plusieurs dictons ce matin. À la Saint-Quentin, la chaleur a sa fin. Quand d'octobre vient la fin, Toussaint est au matin. Vilaine veille de Toussaint ne présage rien de bien. Dans les célébrations internationales, aujourd'hui c'est la journée internationale pour la protection de la mer Noire. Et c'est Halloween, vous ne pouvez pas passer à côté, surtout si vous avez des enfants. À noter que c'est une fête folklorique, principalement en Irlande, au Canada, en Australie, en Grande-Bretagne et bien évidemment aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'en France, ça devient de plus en plus à la mode. Hein. Il y a de plus en plus d'enfants qui fêtent Halloween. Donc, préparez les bonbons pour ce soir si vous avez des visiteurs. Et dans les événements qui se sont déroulés un 31 octobre, en 1541, Michel-Ange terminait sa peinture murale du Jugement dernier dans la chapelle Sixtine. Et en 2010, c'était la première diffusion aux États-Unis de la série. Phénomène depuis The Walking Dead. Allez, tout de suite, premier passage sur les événements qui ont lieu dans la région et on commence avec le don du sang. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107FM. C'est Chris et aujourd'hui je vous présente le programme des Journées du sang organisé par les équipes mobiles de l'établissement français du sang Lorraine-Champagne pour le mois d'octobre 2019 dans notre département. Tout d'abord, il faut savoir que le contexte actuel est celui d'une augmentation constante des besoins en produits sanguins avec une progression de l'ordre de 2 à 4% par an. Depuis 2004, les exigences d'une médecine dont les techniques ne cessent de progresser et l'allongement de la durée de vie de nos concitoyens expliquent cette situation. Il est donc de notre responsabilité collective de se donner les moyens de répondre à cette exigence. Et donc, pour répondre à cette exigence, il faut aller donner son sang. Et voici les dates pour le mois d'octobre. Jeudi 31 octobre 2019, à Cornimont, à la salle des fêtes, située à l'adresse 24 rue 3e DIA, de 16h à 19h30. Je le rappelle une dernière fois, il est très important d'aller donner son sang, car vos dons, nos dons, peuvent sauver des dizaines et des dizaines de vies. Donc n'hésitez surtout pas. Merci Chris. On continue avec le centre aquatique de Remiremont, deux plongeoires, un toboggan, un espace détente avec spa et sauna. Il sera ouvert aujourd'hui jeudi 31 octobre de 10h à midi et de 14h à 19h20. Demain est un jour férié, il sera donc fermé. Pour samedi, ce sera entre 10h et midi, entre 14h et 19h. Et dimanche, il sera ouvert de 9h à 13h. On termine avec un communiqué du mouvement citoyen Nous voulons des coquelicots, stop aux pesticides qui organise un rassemblement à Rupt-sur-Moselle ce vendredi 1er novembre, c'est à 18h30, place de la mairie. Ce rassemblement a pour but d'exiger des responsables politiques l'interdiction des pesticides, herbicides, fongicides de synthèse. Toute la population est invitée à cette manifestation pour affirmer sa détermination d'un environnement et d'une alimentation sain et dépourvue de toute pollution. À noter que chacune et chacun peut aussi soutenir ce mouvement en signant la pétition sur internet en se rendant sur le site Nous voulons des coquelicots tout attaché. .org. Allez, tout de suite, c'est la première pause musicale et on va s'écouter un petit medley d'Émile et Images. Laissez-nous chanter. Oh, bien, il fait du bien ce petit medley d'Emile et Images sur RGM. Un peu plus de 8h38. On parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 31 octobre 1939. Naissance de Ron Rifkin, acteur américain connu pour son rôle d'Arvin Sloan dans la série Alias. Son rôle de Saul Holden dans la série Brothers and Sisters. C'est vu également dans The Good Wife ou encore Blindspot. 1946, naissance de Stephen Rea, acteur nord-irlandais, vu dans Entretien avec un vampire dans le rôle de Santiago, V pour Vendetta dans le rôle de l'inspecteur Finch ou encore Underworld, Nouvelle Ère. 1947, naissance de Deirdre Hall, actrice américaine connue pour son rôle de Barbara Anderson dans Les Feux de l'amour et celui du docteur Marlena Evans dans Des jours et des vies. 1948, naissance de Michael Kitchen, acteur anglais, vu dans Out of Africa dans le rôle de Berkeley, ainsi que dans GoldenEye et Le Monde ne suffit pas dans le rôle de Bill Tanner. 1949, naissance de Bob Siebenberg, musicien américain du groupe Supertramp, dont on écoute tout de suite un extrait du titre « Breakfast in America ». Voilà pour l'extrait des Supertramp. Allez, on continue. 1953, naissance de Lionel Astier, acteur français, vu dans Julie Lescaut, Camelot dans le rôle de Léo Dagan, roi de Carmélide, Hérocorp dans le rôle de Neil McCormack, Section de recherche ou encore le téléfilm Une chance de trop. 1956, naissance de Mario Ramsamy, chanteur français des Mille et Images. 1958, naissance de Jeannie Longo, cycliste française d'une longévité sportive exceptionnelle. Et oui, elle a remporté des titres face à des adversaires qui n'étaient pas nés lorsqu'elle a remporté ses premiers titres. Elle possède un palmarès unique avec 59 titres nationaux, 13 titres de championne du monde et un titre olympique. 1960, naissance d'Arnaud Desplechin, cinéaste français à qui l'on doit Roi et Reine, Trois souvenirs de ma jeunesse récompensés par le César du meilleur réalisateur ou encore Les fantômes d'Ismaël. 1961, naissance de Peter Jackson, réalisateur, scénariste néo-zélandais, connu pour la trilogie du Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, il a reçu l'Oscar du meilleur film, l'Oscar du meilleur réalisateur et l'Oscar du meilleur scénario adapté pour Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. On lui doit également la trilogie Le Hobbit, qui passe depuis deux dimanches maintenant à la télévision. Le troisième volet sera ce dimanche. On lui doit également Créatures Célestes ou encore une adaptation de King Kong. C'est également l'année de naissance de Larry Mullen Jr., batteur du groupe irlandais YouTube. 1963, naissance de Dermot Mulroney, acteur américain vu dans Young Guns dans le rôle de Dirty Steve Stevens, Non Con Nina dans le rôle de JP ou encore Le mariage de mon meilleur ami dans le rôle de Michael O'Neill. 1966, naissance de Mike O'Malley, acteur américain vu dans Seul contre tous, Sully, à la télévision dans Oui chérie dans le rôle de Jimmy Hughes, Earl dans le rôle de l'officier Stuart Daniels ou encore Glee dans le rôle de Burt Hummel. 1967, naissance de Vanilla Ice, rappeur américain qu'on va écouter dans quelques instants. Et c'est également l'année de naissance d'Adam Schlesinger, auteur-compositeur américain connu pour le titre That Things You Do, dont on écoute tout de suite un extrait. pour l'extra. Allez, on continue les anniversaires. 1973, naissance de Philippe Bas, acteur français vu au cinéma dans Michel Vaillant ou encore L'Assaut. Dans plusieurs téléfilms, Un mari de trop, J'ai épousé un inconnu, Meurtre à la Ciotat ou encore Coup de foudre à Bora Bora. Vu à la télévision dans Joséphine, Ange gardien, Nos chers voisins. Mais c'est vrai qu'on le connaît surtout pour son rôle du commandant Thomas Rocher dans la série Profilage, dont on attend la nouvelle saison avec impatience. Enfin, en tout cas, pour mon cas, c'est le cas. 1975, naissance de Johnny Whitworth, acteur américain vu dans Ghost Rider 2 dans le rôle de Carrigan, la série télé Les Experts Miami dans le rôle de Jake Berkeley ou encore la série Les Saints dans le rôle de Cage Wallace. 1976, naissance de Piper Perabo, actrice américaine connue pour son rôle de Nora Baker dans 13 à la douzaine 1 et 2 et son rôle d'Annie Walker dans la série télé Covert Affair. 1977, naissance de Séverine Ferrer, présentatrice télé française. 1978, naissance de Franck Gastambide, comédien et réalisateur français, vu dans Les Caïras dans le rôle de Moustaine, Pattaya dans le rôle de Frankie, Taxi 5 dans le rôle de Sylvain Marot. Damien veut changer le monde, plus récemment dans le rôle de Damien, réalisateur et scénariste du film Les Caïras, Pattaya, Taxi 5 et Caïra Shopping. 1980, naissance de Samara Armstrong, actrice américaine connue pour son rôle d'Anna Stern dans la série télé Newport Beach, son rôle d'Emily dans la série Entourage, celui de Juliette Darling dans Dirty Sexy Money et vu également dans Mentalist, Grey's Anatomy ou encore NCIS Enquête Spéciale. C'est également l'année de naissance d'Eddie K. Thomas, acteur américain connu pour son rôle de Paul Finch dans American Pie 1, 2, 3 et 4 et son rôle de Tobias Curtis alias Toby dans la série télé Scorpion. 1982, naissance de Justin Chatwin, acteur canadien connu pour ses rôles de Jimmy Leishman, Steve Wilton et Jake dans la série télé Shameless. 1983, naissance de Christophe Jallet, footballeur français professionnel depuis 2003 qui a joué à Chamois-Niortais, à Lorient, au PSG, l'Olympique Lyonnais, Nice et depuis cette saison il joue à Amiens. 1992, naissance de Vanessa Marano, actrice américaine vue à la télévision dans FBI portée disparue, Gilmore Girls, Les Feux de l'amour dans le rôle d'Eden Jerick ou encore Switch dans le rôle de Bay Kenish. En 2000, naissance de Willow Smith, actrice américaine, fille de Will Smith, vue aux côtés de son père dans le film Je suis une légende dans le rôle de Marley Neville. En 1993, décédé River Phoenix, acteur américain, vu notamment dans Stand By Me, À bout de course, Indiana Jones et la dernière croisade, ou encore My One Private Idaho. Allez, tout de suite, on s'écoute. Ah non, je pensais que c'était Vanilla Ice, mais non, on l'écoutera en fin d'émission. Tout de suite, on s'écoute U2 avec leur titre Honorary Love. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. We'll be right back. Voilà, c'était le groupe U2 sur le 107 FM. Il est un peu plus de 8h50 et il est temps, eh bien, pour nous de faire un point sur la météo. La météo. Et malheureusement, ça ne s'améliore pas vraiment. On va encore passer la journée sous le brouillard et les nuages. Des températures comprises entre 7 et 8 degrés ce matin, entre 10 et 11 degrés pour cet après-midi. Vendredi, de la pluie, des températures comprises entre 9 et 10 degrés le matin, entre 11 et 12 degrés prévus pour demain après-midi. Samedi, de la pluie, des températures comprises entre 12 et 13 degrés le matin, entre 14 et 15 degrés prévus pour samedi après-midi. Allez, on fait tout de suite un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Allez, on va commencer avec le tennis et le WTA Finals en double féminin. À noter la qualification de Mladenovic et Babos, qui se sont imposés hier 2-7 à 0 face à leur adversaire. Direction les demi-finales, ce sera demain. Et en simple, Svitolina s'est imposée en 2-7 face à Alep et malheureusement Andreescu a dû abandonner. Ce qui fait que d'ailleurs Svitolina est qualifiée pour les demi-finales. Aujourd'hui, Barty affronte Kvitova et Bencic sera opposé à Bertens. Au Paris Master, le duel franco-français entre Gaël Monfils et Benoît Paire, eh bien, a vu la victoire de Gaël Monfils en 2-7, 6-4, 7-6. Autre très belle performance après celle de Jérémy Chardy, c'est celle de Joe Wilfried Tsonga qui a éliminé l'Italien Berrettini en 2-7, 6-4, 6-3. En revanche, Corentin Moutet n'a rien pu faire, mais il s'est quand même battu face à Novak Djokovic. Le Serbe s'imposant en 2-7, 7-6, 6-4. Adrian Manarino s'est battu lui aussi jusqu'au bout face à Rafael Nadal. Mais l'Espagnol s'impose en 2-7, 7-5, 6-4. A noter hier les éliminations de Fabio Fognini, David Goffin, Schwartzmann, John Isner ou encore Bautista Agut. Aujourd'hui, Jérémy Chardy affrontera Garin. Tsonga se repose à Struff, Monfils à Albot. Il y aura un beau match entre Nadal et Wawrinka ou encore entre Thiem et Dimitrov. Un mot de football. Hier a eu lieu le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France. Épinal recevra le club de Ligue 2 Sochaux. Et Raon-l'Étape étant les Vosges se déplaceront tous les deux en Alsace. Raon-l'Étape se déplacera pour affronter le club de Oberschaffelsheim. Excusez-moi si je le prononce mal. Étant les Vosges se déplacera à Erstein. Un mot de Coupe de la Ligue maintenant avec la victoire de Le Mans 3-2 face à Nice. Amiens s'est imposé 3-2 face à Angers. Metz s'est malheureusement incliné après les tirs au but face à Brest. Monaco s'est imposé 2-1 face à Marseille. Nancy s'est incliné à Montpellier 3-2. Nantes s'est largement imposé face au Paris FC 8-0. Toulouse s'est imposé sur la pelouse de Niort 2-1. Et enfin Reims s'est imposé 2-1 face à Bourg-en-Bresse. En Ligue 1, vendredi, Dijon recevra le Paris Saint-Germain. Samedi, Marseille recevra Lille, Amiens, Brest, Angers, Strasbourg, Metz, Montpellier, Nîmes, Rennes et Toulouse, Lyon. Dimanche, on aura Bordeaux, Nantes, Nice, Reims et Saint-Étienne, Monaco. En Ligue 2, ça jouera lundi. Nancy se déplacera à Le Havre. En National 2, samedi, Épinal se déplacera à Bastia. Et en National 3, toujours samedi, Raon-l'Étape recevra Sergumine et Thaon-les-Vosges recevra Saint-Louis. Un mot de basket avec la NBA. Tiens, cette nuit avec les victoires d'Evan Fournier qui affrontait l'équipe de New York de Tilikina. Victoire également de Nicolas Batum, Rudy Gobert ou encore de Okobo avec l'équipe de Phoenix qui a battu l'équipe de Stephen Curry, les Golden State Warriors. D'ailleurs, les Golden State qui connaissent pas un début de saison très joyeux. Hein. Du côté de chez nous, en Pro B, vendredi, Nancy se déplacera à Lille. Et en National 1, vendredi toujours, le Jet Vosges recevra Avignon. En hockey sur glace, en D2, samedi à la patinoire de Poissompré, Épinal recevra l'équipe 2 de Rouen. Un mot de Formule 1, ce week-end, c'est le Grand Prix des États-Unis. États-Unis. Et enfin, on termine avec le rugby, la Coupe du Monde. Match pour la 3e place vendredi à 10h, Nouvelle-Zélande, Pays de Galles. Et la finale aura lieu samedi matin à 10h également. Je vous rappelle qu'elle oppose l'Angleterre à l'Afrique du Sud. Voilà pour l'actu sportive complète. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Vanilla Ice et le titre Ice Ice Baby. Yo, VIP. Let's kick it. Collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, crush a speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bullseye, the kid don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. MCs like a pound of bacon, burning them, getting quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat with a souped up tempo. I'm on a roll, it's time to go solo. Rolling, hit my 5.0, put my rag top down so my hair can blow. The girlie's on standby, waiting just to say hi. Did you stop? No, I just drove by, kept on pursuing to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to A1A. Beachfront Avenue. Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men lovers, driving Lamborghinis. Jealous, cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the nine. Ready for the chumps on the wall. The chumps acting ill because they're full of eight ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jack is jacked. Police on the scene, you know what I mean? They passed me up, could run it all, the dope fiends. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Check out the hook while DJ revolves it. Yo, man, let's get out of here. Word to your mother. Voilà, c'était Vanilla Ice sur RGM. Allez, on fait tout de suite un point rapide sur ce qui vous attend aujourd'hui parce qu'il est quasi 9h. Dans quelques secondes, ce sera la rediffusion de La Parole est à vous. 13h30, la rediffusion de La Chronique de Michel. 16h, vous retrouverez en direct Les Années Bonheur avec Gilou. 18h30, Regard d'ailleurs. 23h, Rock à la Casbah. Et nous, on se retrouve lundi matin, même heure, même endroit. Je vous souhaite une bonne journée, un excellent week-end prolongé, même si la météo ne sera pas très favorable. On pourra quand même se reposer un petit peu. Allez, ciao, bye bye.